Au sein de la famille Eastwood, la musique a toujours été une affaire de famille. Kyle Eastwood réinvente les plus grands thèmes des musiques des films de Clint Eastwood, accompagné de son quintet et d'un orchestre symphonique. Découvrez Clint Eastwood comme vous ne l'avez jamais entendu. Eastwood Symphonique, l'album événement enfin disponible. France Inter. Waouh, Blockbuster, je suis épatée par votre puissance. Vendredi, émission sur Tina Turner, vous évoquez GoldenEye. Dimanche soir, France 2, prime time, il diffuse quoi ? GoldenEye. Fred, ne doutez jamais de votre pouvoir. Hello Blockbuster, c'est Pierre de Pierre Latte. Merci pour encore une bonne émission. Tina Turner comme coach de Mick Jagger, ça avait vraiment quelque chose à voir, merci. Bien avant qu'elle meure, Mel Gibson lui avait rendu hommage. Elle lui avait amené une photo de lui où il était très beau et elle lui avait dit « c'est ce que tu mets en danger avec ton comportement ». Et ça lui avait fait une sorte d'électrochoc. Il le disait mieux que moi et pas du tout comme ça. Mais Mel Gibson avait rendu hommage à Tina Turner avant qu'elle ne meure. Merci, bon courage. Salut Frédéric, merci d'être là pendant mon été où je travaille moi aussi. Albator, merci. Tina Turner, un énorme grand merci. Ma petite Madeleine de Proust, c'est Beyoncé qui fait un hommage à Tina Turner en 2005 au Kennedy Center. On a une vraie danseuse avec, comme elle dit, Beyoncé, les meilleures jambes du monde. Merci à vous tous et longue vie à Blockbuster. Not to be. Oh la boulette, oh la boulette. J'imagine que comme moi vous avez entendu le scandale du moment. La chanteuse Isia Higelin s'est livrée entre deux chansons à une petite diatribe contre Emmanuel Macron où elle invitait le peuple à le transformer en piñata. Alors loin de moi l'idée de justifier ses propos que personnellement j'ai trouvé fort déplacés vis-à-vis des piñatas. Parce que lorsque des enfants éclatent une piñata, ils y gagnent bonbons et friandises, pas la brave M qui débarque à la prison ferme. Donc Isia, sous votre respect, je fais partie de ces Français choqués par vos propos qui stigmatisent l'industrie des sucreries pour enfants. Pour ce qui est du président, bon, je trouve que certes, c'était pas très malin, mais vu que j'entends pire le matin quand je prends mon café à la brasserie à côté de Radio France ou quand je lis un post Facebook, j'ai envie de dire, y a pas vraiment de quoi se rouler par terre non plus. Non, moi, ce qui m'a le plus impressionné dans cette histoire, ce sont les spectateurs scandalisés qui, pendant le concert, ont appelé les gendarmes. Pendant le concert ! La réactivité ! Ils ont carrément appelé les gendarmes ! Mais faut jamais que ces gens aillent voir Snoop Doggy Dogg ! Allô, la gendarmerie ? Oui, je suis au concert de Snoop Doggy Chien. Et le monsieur est sur scène en train de consommer de la marijuana ! Oui, de la marijane ! C'est le noir tout maigre avec des tresses sur la tête. On vous attend, on bouge pas de là parce qu'il chante bien. Finalement, Emmanuel Macron a raison de mettre en place des tonnes de numéros verts parce qu'historiquement, en France, on a quand même la tradition d'être hyper rapide pour passer des coups de fil. France Inter. Blockbuster. Jusqu'ici, ça va. Frédéric Siglis. Scares the shit out of me. Cette caisse me fait flipper. That's my dad. Là, c'est mon père. Coming up in the pro C'était un des meilleurs pros dans les courses de stock car. Last race of the season. C'était la dernière course de la saison. Oh, guy named Kenny un type nommé Kemi Linder s'est amené de l'intérieur du virage. C'était au dernier tour. Et il a percuté son pare-choc pour l'envoyer dans le mur à 200 à l'heure. J'ai regardé père brûlé vif. J'étais persuadé de l'avoir entendu crier. Mais des témoins de la scène m'ont dit qu'il était déjà mort avant que le réservoir explose. C'était moi qui avais poussé ces hurlements. Je ne vis que durant les 400 mètres d'une course. Tout le reste m'est égal. Les prêts engagés, la gestion des stocks, la belle équipe d'irresponsables qui m'entoure. Parce que pendant ces 10 secondes, ou moins, je suis libre. Au commencement, Fast and Furious, c'était un petit film de série B, un remake plus ou moins assumé d'un Point Break d'antan. Et puis, avec une adaptabilité qui force le respect, la franchise s'est hissée au sommet du box-office, repoussant toujours les limites de ce que l'on peut faire avec une voiture et surtout la suspension d'incrédulité. Pour comprendre ce maître étalon du blockbuster décomplexé, j'ai avec moi Alexandre Caporal, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur et producteur du Saloon, un podcast suisse sur le cinéma et critique cinéma pour la RTS. Tout à fait. Avec nous également, et on est ravis, Florian Pouplein, bonjour. Salut Frédéric. Vous êtes chroniqueur du Saloon Podcast, spécialiste de cinéma asiatique et libraire manga depuis 17 ans. Eh oui, ça fait longtemps. Et elle est de retour et on est ravis. Vesper, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes chroniqueuse dans le podcast Shitlist et vous avez une chaîne YouTube, Les Chroniques de Vesper, dans lequel vous parlez de culture pop, de science-fiction, de comics et même un petit peu de jeux vidéo. Exactement, exactement. Très contente de revenir pour parler de Fast and Furious sur service public. Je suis mais honorée comme jamais. Ah bah voilà, il va y avoir beaucoup de premières fois durant cette émission. Hein. Les présentations sont faites. On l'a vu comment ? En une seule course, pour 2000. Le vainqueur prend tout. Hector, c'est toi qui garderas le fric. Pourquoi lui ? Parce qu'il est trop lent pour se sauver avec le pari. Ouais, encaisse comme un pied d'ailleurs. Allez, bonne chance à tous. Et attendez une minute. Qu'est-ce qu'il veut lui ? J'ai pas ce fric en liquide, mais j'ai la carte grise de ma bagnole. On monte pas sur un ring affronter Mohamed Ali parce qu'on croit savoir boxer. He knows I can box. Lui, il sait que je sais boxer. So check it out, it's like this. Bon, écoutez, voilà mon offre. I lose. Je perds. Winner takes my car. Le vainqueur prend ma caisse, c'est clair? But if I win, mais si je le bats, I take the cash, alors j'encaisse l'argent. And I take the respect. Et on devra le respect. Le respect. C'est le plus important pour moi. That your car? C'est ta caisse. Je vois une admission directe, un système d'injection de protoxyde d'azote et un turbocompresseur TD-04. Un contrôleur d'injection également. Et il y a un injecteur de N2O par cylindre. Ouais, et une gestion électronique complète. Façon judicieuse d'investir 10 000 dollars dans sa caisse. Tu as vu ça ? Il y a assez de N2O là-dedans pour exploser sa caisse. Ouais. Est-ce que t'en dis ? Je fais le poids ? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Mais on va le savoir. Allons-y ! Un extrait de Fast and Furious 1 qui rend hommage aux accords du GIEC. Et vous avez pu entendre Dominique Toretto interprété par Vin Diesel et doublé en français par Guillaume Orsa, Brian interprété par Paul Walker, doublé en français par Guillaume Lebon, et Jesse interprété par Chad Lindbergh, doublé en français par Mathias Koslowski. Alors, Alexandre Caporal, ma première question, c'est comment est né l'univers de Fast and Furious ? Bah, vous l'avez dit, effectivement, donc en 2001, avec ce premier film réalisé par Rob Cohen, produit par la Universal. Alors à la base, c'est vrai, vous aviez dit série B, mais on est quand même un tout petit peu au-dessus de la série B. On est dans cette production de blockbuster plutôt moyen, qui coûtait à l'époque dans les 30-40 millions de dollars. Donc on est dans de l'exploitation, c'est-à-dire on est dans un pur film produit par un studio. L'idée vient d'un producteur. On arrive justement à prendre quelque chose qui existe déjà, à savoir le concept de Point Break. Donc on va suivre un flic infiltré dans une bande de malfrats, alors ici qui vont aller dérober les cassettes vidéo, donc c'est assez cocasse. Des lecteurs de DVD. Des lecteurs de DVD, effectivement, c'est vrai. C'est très 2001, ça, les lecteurs importance. De DVD. C'est vrai, donc tout part de cette idée-là. Et en fait, à l'époque, quand ce film sort, quand ce film est produit, bah déjà toute l'équipe derrière... C'est un peu des nobody, c'est-à-dire déjà le réalisateur, alors Rob Cohen, il avait fait 2-3 productions avant, dont un film Daylight avec Stallone. Et puis les acteurs et actrices, alors on a le trio de tête, Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Paul Walker, qui seront là tout au long de la saga. Et ben eux, ils n'avaient pas fait grand chose avant. Vin Diesel, il avait été remarqué par Steven Spielberg, qui l'a fait jouer. Exactement. Et puis, est-ce qu'il avait déjà fait Pitch Black ? Il avait déjà fait Pitch Black, mais c'est vraiment juste avant. Mm-hmm. Paul Walker, lui, alors il a démarré dans le mannequinat, dans les séries télé. Il avait joué dans Les Feux de l'amour quand il était gamin. Après, il a fait 2-3 productions. Et puis là, il se retrouve, voilà, en tête d'affiche. Michelle Rodriguez, pareil, elle avait fait un film, Girl Fight, mm-hmm. voilà. De Gavin Kusama. Un an avant. Il me semble. Donc, c'est un peu une équipe de nobody avec juste cette envie d'exploiter un filon qui peut ramener un peu de pognon. C'est ça qu'il faut dire. Donc, personne n'imaginait que la saga allait s'envoler comme ça. Après, si on revient à la toute base, l'inspiration principale de Rob Cohen, c'était un article qui était paru dans le magazine américain Vibe, qu'on a connu nous ici aussi. Un article de Ken Lee qui parlait, qui s'appelait Racer X et qui parlait donc des courses de voitures illégales. À Los Angeles ou à New York, je me rappelle plus. À Los Angeles, je crois. Je crois que c'était à New York, et après ils ont mis la prod à Los Angeles. Ouais. Parce que Hollywood... comme le chauffeur de Speed Racer. Bah ouais, en fait. Voilà. Pas mal. On voit que vous aimez les mangas. Et donc voilà, la toute base, c'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'après, c'est parti dans une franchise assez hallucinante. Mais moi, j'aime bien aussi les trucs qui sont basés sur des articles, parce qu'il y a un côté un peu réaliste. Je fais des guillemets avec mes doigts parce qu'évidemment, dès le premier film, on sait que c'est pas vraiment réaliste. Mais en tout cas, c'était sympa d'avoir un souci de quelque chose qui existait en vrai. Je pense que ça va se ressentir, notamment dans le succès que ça a eu, que c'est des choses qui existent et ça a parlé à certaines minorités. Je pense qu'on y reviendra peut-être après. Vesper, comment avez-vous découvert Fast and Furious, avec le premier ou avec les épisodes de La Démesure qui arrivent ensuite? Je crois que c'était un petit peu plus tard, ça devait être à partir du deuxième. Ça devait être à partir de ce moment-là, mais bon, j'ai très vite accroché aussi par... Donc dans le deuxième, où n'était pas Vin Diesel. Exactement, exactement. Les suites, en fait, c'était un peu ça. Ils prenaient une approche qu'on n'a plus trop maintenant, mais qu'on avait un peu au début des années 2000, qui était, là, en fait, on reprend le concept, mais on va prendre d'autres personnages et on va continuer un peu l'histoire comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi pour le 3, qui se déroule même pas du tout à la même période, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait, d'ailleurs. Drift. Tokyoriste, exactement. Et en fait, c'est aussi, Vin Diesel n'a pas trop apprécié, déjà, le fait que Too Fast, Too Furious, qui est déjà l'un des meilleurs titres du cinéma, pour commencer. Il n'a pas trop apprécié le fait que ça prenne cette direction-là, donc il a décliné le fait d'apparaître dans celui-là. Il arrive à la fin du 3 et il se retrouve à dire « Ok, je reviens pour le 4, mais seulement si je suis producteur ». Et c'est là qu'on va commencer à mettre le doigt un peu dans l'engrenage de tout ce qu'on va avoir un peu par la suite. Mais oui, moi je me sens toujours très proche de Michel Rodriguez qui, quand le tournage a commencé, n'avait pas le permis. Donc voilà, n'ayant pas le permis non plus, ça nous fait un point commun. Comme Eddie Mitchell. Ouais, incroyable, incroyable. Et du coup, elle a dépassé Michel le permis. Rodriguez, Eddie Mitchell, même combat. Alexandre Caporal. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le premier épisode, c'est vraiment un bête film de casse, quoi. Quand je dis bête film de casse, c'est-à-dire c'est un film de casse lambda dont on a vu plein de fois la recette. Et puis, effectivement, Point Break. Et avec le 2 et le 3, alors là, on bascule dans cet univers un peu plus pop, même presque qui surfe un peu sur le succès des jeux vidéo Need for Speed. Et en fait, c'est à partir du quatrième épisode que Vin Diesel va revenir, justement. Et puis que là, il va construire cette famille soudée et qui va faire un drame shakespearien dont il croit à fond. Ah oui, carrément, un drame shakespearien. Pour Vin Diesel, oui, c'est oui, ça. Pour Vin Diesel. Mais ce qui est étonnant d'ailleurs avec Michel Rodriguez, tout comme Vin Diesel, c'est que c'est des acteurs qui, pendant aux prémices de leur carrière, il y avait beaucoup d'attentes et même d'espoir dans un cinéma peut-être plus autorisant. Michel Rodriguez avec Girlfight, Vin Diesel, il avait été salué pour un court-métrage qu'il avait réalisé par Steven Spielberg, c'est pour ça qu'il lui avait proposé son rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan. Paul Walker n'a pas eu le temps de vraiment prouver beaucoup de choses, mais c'était pas forcément écrit que ça devienne ces grosses stars de blockbuster qui tâchent un petit peu. Ah, pas du tout, c'est le succès populaire qui a fait que ça a pris l'ascenseur après. Oui, et puis Vin Diesel avait même fait Le Géant de Fer juste avant. Donc on est vraiment dans cette période-là de sa carrière, donc c'est assez la charnière. Drôle de voir ce que ça a donné. Ouais. Il y a peut-être une autre réalité dans laquelle Vin Diesel vient d'avoir un Oscar pour The Revenant 2. Qui sait ? Je pense qu'il aimerait beaucoup. Il aimerait beaucoup. Il pense l'avoir pour Fast, pour les derniers Fast, hein, je pense. Mais ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'on parle de ce qu'ils ont fait avant, mais aussi pendant la saga, enfin, ils n'ont jamais réussi à s'en détacher. Bon, à part Paul Walker, mais pour la raison qu'on sait. Mais ce qui est assez étonnant dans la suite de leur filmographie, c'est qu'ils sont toujours restés dans le style actionneur, comme s'ils étaient pris au piège un peu de cette saga. Diesel, je pense, c'est parce qu'il est devenu vraiment producteur, co-scénariste, enfin, il voulait être partout à la fois. Paul Walker, on l'a vu qu'il a tenté quelques escapades ailleurs, mais toujours dans le film un peu bis ou d'exploitation. Je crois qu'il n'y a que Michel Rodriguez qui a fait des incartades vers Avatar 1 et récemment vers Donjons et Dragons. Donc c'est aussi intéressant de voir Resident Evil aussi. C'est toujours le même rôle. Et Michelle Rodriguez, c'est vrai qu'elle est enfermée dans ce rôle de femme masculine très où il faut pas la faire chier. Et voilà, qu'on n'a pas non plus eu de. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'ils avaient à la base et qui serait peut-être battu pour après avec la notoriété qu'ils ont eu avec Fast and Furious pour essayer de choper des rôles plus prestigieux, entre guillemets. C'est dommage, mais en tout cas, ce que donne Vin, ça promettait pas grand-chose s'il essayait autre chose d'ailleurs, malheureusement. Et derrière cette franchise, il y a aussi un producteur, Neil H. Moritz, qui a notamment produit Souviens-toi l'été dernier. Enfin, vraiment, on a l'impression Urban Legend. Il a une sorte quand même de pédigré de films décomplexés. Et voilà, c'est ce que j'appelle les films faits de la musique. Oui. Mais oui, mais en fait... Ou c'est du cinéma plutôt, excusez-moi. Non, mais c'est exactement ce qu'on disait au début sur la manière dont a été produit ce premier Fast and Furious. Ce producteur-là que vous venez de citer, bah en fait, lui, c'est ça. Il exploite des filons, c'est-à-dire qu'il regarde un peu qu'est-ce qui a marché Et du coup, on va exploiter ça, mais avec des films qui coûtent deux fois moins, et pour espérer faire des petits succès modestes. Et donc, quand il y a le succès de Fast and Furious, quelque part, en fait, ça lui échappe un peu, parce que pour le budget, c'est 40 millions de dollars. Dans le monde, ça rapporte plus de 200 millions à l'époque, en 2001. Donc là, ils se disent, ouh, d'accord, alors on s'attendait pas à ce que ça fasse ça. Nous, on pensait peut-être faire un petit succès à 100, 150, et puis là, ça dépasse les 200 millions dans le monde. Donc voilà, ce producteur-là, c'est vraiment, on exploite ces filons-là. Il l'aura fait après aussi, avec les actionneurs. C'est lui qui a produit aussi Triple X avec Vin Diesel et autres, qui a surfé sur le succès et Ice Cube. Et oui, ne l'oublions pas. Il a produit et les 21 Jump Street, exactement. Aussi, et 22 oui. Avec Ice Cube. Décidément. Il aime beaucoup Ice Cube. Mais c'est normal, il est très très bon Ice Cube. Et il aime beaucoup Vin Diesel aussi, parce que c'est vraiment le producteur qui a lancé vraiment Vin Diesel et qui l'aura suivi quasiment tout au long, même si les relations auront été assez conflictuelles, parce que l'ego de Vin Diesel. On lance pas Vin Diesel, on remet de l'essence dedans. Oui, c'est vrai. Ce qui est très intéressant avec Neil H. Moritz aussi, c'est que on pourrait l'appeler le Roger Corman des années 90 et de 2000. On sait que The Fast and Furious. Alors, il faut préciser pour les auditeurs qui est Roger Corman. Roger Corman, qu'il a encore en vie, un producteur qui a créé, je pense, le cinéma d'exploitation dans les années 50 et 60, qui a fait énormément de films, qui a lancé la carrière de James Cameron, de Jack Nicholson, etc. Et qui exploitait tous les filons qu'il pouvait. Et c'est assez drôle parce que The Fast and Furious, à la base, c'est un film de 1954 produit par ce même producteur. Comme quoi tout est lié, que Fast and Furious rassemble tout le monde autour de lui. Et Vesper, selon vous, qu'est-ce qui a expliqué que ces petits films, donc avec des budgets qui étaient quand même assez modestes, hein, même si attention, on est quand même dans des chiffres qui peuvent faire peur les producteurs français. Les producteurs français, voilà. Voilà. Mais comment on explique l'engouement du public pour ces petites histoires de braquage? Ah, il y en a quand même plusieurs. Bon, c'est pas que des amateurs de tuning, ce qu'on aurait pu croire. Un peu au début, les amateurs de tuning et de mini shorts, il y en a. J'ai pas le permis, et pourtant je les ai tous vus. Eh ben pareil, voilà, comme quoi ça marche aussi. Non, vraiment, en fait, on s'en moque beaucoup. Mais le côté famille a énormément joué. Ça c'est donc on le disait, ça a commencé plus à partir du 4. Mais le fait de déjà garder plus ou moins le même groupe d'acteurs au fur et à mesure de la saga, eux. Devant l'écran, enfin devant la caméra et derrière la caméra s'entendent à merveille, sauf quelques petits soucis avec Vin Diesel. Oui. On aura le temps d'en reparler plus tard. Oui, on va en reparler. Eux, ils sont tous très très proches, ça s'en ressent et on sent quand même une espèce de sincérité venant d'eux par rapport à leur affect. Donc on sait que la famille, c'est vraiment quelque chose de premier degré pour eux. Il y a déjà ça et moi je le mettrais aussi sur le côté, le côté action. En fait, on se moque pas de vous, en fait. C'est généreux, alors, quoi. C'est exactement, c'est vraiment très généreux. Alors, certains vont peut-être faire grincer des dents quand ils vont entendre ce que je vais dire, mais je compare beaucoup Fast and Furious à Mission Impossible, qui, toute proportion gardée... Deux poids, deux mesures. Oui. Voilà, toute proportion gardée partage beaucoup de points communs. Et ce côté généreux... Et même certains membres de casting. Bien sûr, bien sûr. Et là, pareil, ce côté, bon, tout est réuni autour d'un acteur qui veut tout maîtriser et qui est producteur. Le côté équipe qui marche très bien. Et les cascades. Alors évidemment, je vais pas non plus comparer les cascades de Fast aux cascades de Tom Cruise. Mais mine de rien, il y a quand même des moments où, littéralement, ils balancent des bagnoles d'un avion. Pour de vrai, ils mettent des GoPros dessus et ils filment. Et s'il faut détruire 250 bagnoles dans une journée pour tourner, ils le font. Donc, il y a quand même cette envie de faire plaisir aux spectateurs sans détour, en fait. Et ça fait plaisir, que ce soit un plaisir coupable ou pas. Ça marche très bien, en fait. Alors, j'ai dit que c'était la première fois, une émission de première fois. Et pour la première fois sur France Inter, on va écouter la bande originale de Fast and Furious 8. Ah, du reggaeton. Non, pas du reggaeton, on va écouter Despacito de Luis Fonsi qui n'est jamais passé sur l'antenne. Donc on écoute Despacito. Elle là, c'est ma sœur, ok? Mon cul, elle est trop sexy pour être ta sœur. Aïe. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal y que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Mais j'ai loupé un épisode, je crois. T'as un frangin qui est aussi apparemment une espèce de super espion qui a sa propre armée, qui roule à toute blinde comme un vrai pilote de course, qui se jette d'une falaise volontairement et qui atterrit comme une fleur scotchée sous un zinc. Qui fait ce genre de truc? Qui fait ce genre de truc? Un Toretto. Blockbuster sur France Inter. Fast and Furious, la franchise des punchlines. Et alors, on l'a entendu avec Despacito, il y a aussi un public extrêmement divers et varié qui s'intéresse à Fast and Furious. Bah c'est vrai que dès le premier film, en fait, alors on s'intéresse à ces courses de voitures clandestines, mais c'est vraiment dans un milieu très particulier, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi aux quartiers populaires, aux ghettos américains, et surtout à ce côté multiculturel, et notamment à la représentation à la fois des Afro-Américains et des Latinos aussi. Et on l'entend bah, justement avec la musique, cette musique reggaeton est très présente, cette musique latino est très présente, et puis la communauté afro-américaine également dans Fast and Furious. Et donc à l'époque, il me semble que je sais plus qui dans la saga, dans les producteurs, scénaristes ou autres, j'avais entendu dire ça, mais justement qui avait cette volonté aussi de s'adresser à un certain public bah, qui justement dans les films d'action des années 2000, quand on voit bah, les héros, les super-héros, etc., blancs, américains, bah, justement on va s'adresser aussi à toute cette communauté-là qui va se sentir concernée aussi par cette réalité. Et ça passe bah, effectivement aussi par la générosité de l'action, comme disait Vesper, par le côté familial, mais il y a aussi les barbecues, la bière, la religion. Donc en fait, on va dresser un panneau qui peut paraître très cliché pour certaines personnes, notamment aujourd'hui, et puis qui peut paraître dépassé aussi sur certaines questions progressistes et autres. Mais Fast and Furious a réussi on à capter. Viendra, on va y venir, bien ah, sûr. Je vous attends, ah, bah, bien sûr. Mais effectivement, bah, elle a quand même réussi cette saga justement à parler à une certaine population aux États-Unis et je pense dans le monde, et je pense que c'est en partie ce qui explique le succès par la suite. Florian Poupelin, il y a aussi l'apparition, alors on a entendu que parmi les réalisateurs il y avait Rob Cohen, John Singleton, mm-hmm. c'est quand même pas des manches tous ces gens-là, mm-hmm. Mais c'est surtout au moment où Justin Lin est arrivé où on a l'impression que tout d'un coup tout a changé et où tout d'un coup tout ce qui était un petit peu règle basique, genre il faut que ça se tienne. Là, on a dit, tu sais quoi, on s'en fout, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à l'arrivée de Justice Lin où tout d'un coup, les voitures, elles se sont dit, nous, on n'est plus tenus par les règles de la réalité, en fait. Alors, je crois qu'ils ont eu, je crois que Neil H. Moritz a eu la bonne idée de trouver Justin Lin, qui était un jeune réalisateur qui, lui, bah, contrairement aux deux que vous avez cités avant, n'avait pas fait grand-chose. Il avait fait deux films. Et ils l'ont mis sur Tokyo Drift après un appel à script. Il a gagné un appel à script, parce qu'il avait un concept intéressant. Et donc, il amène ce truc un peu jeune. En plus, il était, enfin, il est américano-asiatique. Taïwanais, ouais. Taïwanais, voilà. Donc, ils l'ont mis sur Tokyo Drift. Bon, c'est pas le même pays, mais je pense qu'il y a eu peut-être un lien avec ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a pris ça en main. Et en fait, il a saisi la chance de sa vie, on peut dire, puisque c'est vraiment le réalisateur, il faut le rappeler, qui a réalisé 5 films sur les 10 films. Il aurait dû en faire 6. Mais on va y revenir. Mais il y a eu une petite brouille. Voilà, petite. Avec Vin. Et c'est vrai que c'est depuis là qu'en fait, les producteurs lui ont fait confiance, étrangement, après le 3, parce que qui avait été quand même un succès assez moindre comparé au 1 et puis au 2. Et il a su faire du over the top et ça a marché dès le 4 et après le 5, etc. Et donc c'est vraiment une bonne trouvaille. Comme quoi, les producteurs ont aussi un rôle créatif dans ce genre de production en trouvant les bonnes personnes. La première fois que je l'ai vu, j'ai réussi à trouver ça drôle. La blague se retourne contre moi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire bien plus tôt. Arrête! Garde les choses en face. C'est la vérité. C'est la date à laquelle j'ai perdu la mémoire. That's the date. La date à laquelle Letty est morte. And I was born. Et où moi je suis née. Non, elle never died. T'es jamais morte. You know how hard tu sais ce que je ressens quand tu poses les yeux sur moi. And you see me through 15 et que tu me vois à travers 15 ans de souvenirs partagés. Every beautiful moment chaque moment qu'on a vécu pendant ces années. I see it in your eyes. J'en vois la beauté dans ton regard. I can't give that et j'ai rien à t'offrir en retour. I got nothing. You got me. Tu es moi. You've got only et toi, tu n'as qu'une partie de moi. I have to find je dois myself. Tout faire pour me retrouver. For me. J'en ai besoin. C'est dur de reprendre l'antenne. L'émotion comme ça, parce que c'est un extrait de Fast and Furious 7 émouvant. Où Letty, qui est interprétée par Michel Rodriguez et doublée par Laetitia Lefebvre, apprend à Dominique Toretto, qui est interprétée par Vin Diesel et qui est doublée par Frédéric Van Dendrich, qu'elle a perdu la mémoire. Et en fait, tout ce qu'ils ont vécu ensemble, elle s'en souvient plus, et elle va s'en ressouvenir de nouveau. Parce que Vesper, il faut quand même le dire, dans les Fast and Furious, il y a aussi cette logique de telenovelas qui est très très prégnante en fait. Évidemment, et puis il n'y a que dans Fast and Furious où on voit un mariage en Marcel. Elle se porte son Marcel blanc lors de son mariage avec Laetitia. Oui, il est blanc, il est tout blanc. Oui, il est très propre. Oui. Non, il y a pas de cambouis dessus. Non, il a fait quand même un effort là-dessus. Ça me fait rire parce que ce genre d'extrait où on les voit en fait où elle dit oui dans ton regard, alors que les deux ont un regard quand même assez bovin et aucune alchimie sexuelle. Autant je veux bien croire qu'ils soient très amis dans la vraie vie, mais en tant que couple, moi à chaque fois que je les vois ensemble, ça me fait rire. Je n'y crois pas une minute, mais c'est ça aussi qui fait le charme de la saga. C'est le second degré, quoi, qu'on y trouve. Quoi. Exactement. Et pour le côté, alors je ne sais pas si c'est vraiment telenovela, mais pour moi plus le côté super héros, ce qui est beau dans Fast, c'est que d'un film à l'autre, on va avoir le frère 2 qui revient, la sœur 2 qui revient. En fait, t'es mort, mais non, en fait, t'es pas mort. Il y a quand même tout ça qui se rajoute. T'es méchant, mais finalement, t'es gentil. Et voilà, le méchant qui finalement devient gentil. Enfin, c'est. Et puis, ils aiment bien revisiter certains trucs qu'ils nous ont montrés avant en disant, mais vous ne saviez pas tout. Exactement. Parce que dans l'ombre, il y avait le cousin qui a vu l'accident et qui a dit, non, en fait, le cousin, c'était le frère d'un homme de main. Mais tout est réfléchi. Mais ça, c'est beau. Moi, je trouve que cette manière d'essayer quand même de relier les films, même le 3, parce qu'on disait tout à l'heure avec l'arrivée de Justin Lin, le 3 c'est quand même un film qui aurait dû être un direct ou DVD, donc ça aurait dû être un peu le film qui marque un peu la fin de la saga, et en fait pas ça du a failli tout. D'ailleurs, hein. Exactement. Les chiffres étaient vraiment décevants. Et le 3 c'est souvent, il est souvent en bas des classements des préférés, des fast préférés des gens. Il y a des accords. pas du tien, mais il sert beaucoup de classements, il reste quand même. Je me désolidarise de Florian. Donc il y a tout ça qui se met en route, et on arrive encore une fois à ramener cette formule de ce qu'on pourrait voir dans des films de super-héros. Eh bien, on va le voir dans Fast and Furious, et encore une fois avec de la bière et des barbecues. Et Vesper, justement, quel est votre Fast and Furious préféré ? Alors moi, c'est le 7. Je sais que le préféré des fans, souvent, c'est le 5. Mais je ne peux pas résister au charme ni de Jason Statham, enfin de Jason Tatan qui donne des coups de tatan. Oui, joli lapsus. Je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment trouvé un adversaire à sa hauteur. Et rien que pour la scène où The Rock, à la fin du film, dit à sa fille, désolé ma chérie, papa du travail, et il a un plâtre. C'est là où il gonfle son biceps, voilà, et il fait exploser le plâtre. Il éclate le plâtre, et après il va prendre une gatling pour exploser un hélicoptère. Mais c'est parce que même les os de The Rock sont puissants. Sont durs, bah oui. Et pour moi, c'est, les meilleurs, c'est l'une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma, donc forcément, c'est le meilleur film de la saga. Florian ? Alors moi, ben, sans aucune originalité, ça est le 7 aussi. Mais pour une autre raison, moi c'est pour le réalisateur, c'est pour James Wan. C'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, que j'appréciais avant, puisque pour le rappeler, c'est celui qui a réalisé le premier Saw et qui a réalisé après Aquaman également, dont on attend le 2 avec impatience. Je dirais peut-être pas ça, mais on l'attend. C'est aussi, au moins aussi drôle que la saga Fast and Furious. Voilà, c'est ça. Et qui pour moi signe la meilleure réalisation et la meilleure spatialisation de tous les Fast and Furious. C'est aussi là où on retrouve pour moi les deux scènes d'action les plus folles, où Vesper en parlait un petit peu plus tôt, les fameuses voitures qu'on lâche d'un avion pour de vrai, et également cette fameuse scène à Abu Dhabi où une voiture à plusieurs millions passe saute d'un immeuble à l'autre. Oui. Et saute d'un immeuble à l'autre, oui. deux fois. Voilà. Voilà, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Pour c'est, cette raison-là. C'est vrai. Ah oui, et j'ai une dernière raison, ils arrivent quand même à récupérer une empreinte, l'empreinte digitale d'un méchant. Ah oui, c'est dans le 7. Grâce ça. Gal Gadot. Ah non, attends. Non, bon, si, c'est pas dans le 7. C'est pas dans le 7. Ah, on les confond vite. Voilà, la 7. Ah ouais, mais voilà. Grâce à la main aux fesses. Exactement, Gal Gadot est en maillot de bain et le méchant lui met une main aux fesses et grâce au bas de maillot de bain, c'est dans le 5. C'est dans le 5. Ouais, mais fallait y penser. Superbe. Mais c'est vrai qu'on mélange. Assez rapidement, oui, quand on les voit vite à la suite. Hein. Alors on est ensemble, là j'imagine les auditeurs qui n'ont jamais vu aucun Fast and Furious et ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est ? Sachez juste que ça a fait plus de 200 millions de dollars au box-office, donc vraiment c'est pas un phénomène isolé. Ah, ça c'est le tout premier, oui. Mais alors le 7 justement, parlons-en parce que c'est 1,5 milliard voilà. De dollars, c'est voilà. Extraordinaire. Le monde est perdu, sachez-le, voilà. On va continuer de parler des Fast and Furious, mais pour le moment on écoute Lucy Antunes avec It's Amazing. Inter. What's so funny? Je me disais à l'instant que si on était dans un film, on serait pile au moment où le méchant se heurte à un obstacle imprévu. surcompense sa frustration sans prendre le temps de réfléchir et se fait écraser par les gentils héros. No offense. Sans te vexer. But you have tu no peux idea même pas imaginer ce qu'on a comme projet. And for the record, et pour info, the good guys. Les gentils, c'est nous. Me, I'm Luke moi, je suis un vrai Luke Skywalker. Are you sure about that? T'es sûr de ça? I mean, I get the daddy issues. Il y a bien papa dans le décor, mais... Look at what you've built. Tout ce que tu as bâti. Really? Luke? Luke? Sérieux? You're right. Non, c'est vrai. No, I'm more of a Han Solo. Je serais plutôt Han Solo. Non. Non. You're Yoda. Tu es Yoda. Yoda? Mm-hmm. Yoda? Mm-hmm. Non, the little green guy. Non, le lutin verdâtre. Non. Ah, shit, I'll take it. Ah, d'accord, je vois. Because he's a powerful Jedi. Parce hein? que c'est un puissant Jedi. C'est ça? Non. Yoda's a puppet. Yoda est une marionnette. With someone's hand up his ass. Il lui faut une main dans le cul pour le faire exister. On dirait du Tarantino mal écrit quand même. Ouais, c'est non, vrai. Mais moi je tenais quand même à valoriser les dialogues et le texte pour vraiment plus laisser dire aux gens que franchement les blockbusters c'est décérébré. Non, non, non, ça c'est puissant. Et donc c'est un extrait de Fast and Furious 9 et vous avez pu entendre Charlize Theron doublé en français par Sophie Broustal et Fou Ersted Rasmussen alias Otto doublé par Sébastien Desjours. Alors, évidemment, là, on parle de Fast and Furious, mais il y a eu notamment la disparition de Paul Walker et l'effet que ça a eu sur Vin Diesel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ? Parce que j'ai l'impression que tout d'un coup, le film est devenu plus méta qu'il ne l'était encore jusqu'à maintenant, où en fait, on a dit adieu à Paul Walker dans le film ? Exactement. Lorient. Oui, parce qu'il faut savoir que donc Paul Walker est mort fin novembre 2014 dans un accident de voiture. Dans un accident de voiture, il roulait à 150 au lieu de rouler à 70. Donc voilà, son corps a été calciné. C'était assez horrible. Hein, réalité a vraiment rejoint pas lui la fiction. Qui conduisait. Oui, lui, il était dans le fauteuil passager. Ouais, mais même le pilote a eu le même résultat. Et donc ça s'est passé en plein tournage, donc évidemment ils ont dû arrêter la prod. James Wan a demandé parce que c'était le set. James Wan a demandé à la famille s'ils pouvaient utiliser les rushs qu'ils avaient déjà filmés. Ils ont même demandé à ses deux frères s'ils pouvaient faire des silhouettes. Et donc la famille était complètement pour en fait que le film se fasse et qu'il finisse. Et comme disait Vesper un petit peu plus tôt aussi, vu qu'il y a cet esprit de famille sur le plateau comme dans les films, c'était très important en fait qu'il fasse ça. Enfin, il fallait que le deuil soit fait pour les spectateurs comme pour l'équipe. Et dans le set, c'est aussi également un des éléments principaux pour lesquels ça a été le plus gros succès de toute la saga, c'est qu'il y a cette fin. Qui est certes un peu naïve, mais qui fonctionne mais ça a vraiment marché, bien. Hein, moi, ça j'ai écrasé ma petite larme. Ah, exactement. Quand on voit le plan vu du ciel avec les deux voitures qui se séparent, c'est comme ça, deux routes différentes. Oui, oui, sur un Never See You Again. Oui. Avec la grosse tête de Vin Diesel qui était au summum de ce qu'il pouvait. C'est là vraiment le maximum. Et ils ont réussi à pas tuer le personnage aussi. Bon, ils ont un peu fait ça un peu. Alors le souci, c'est principalement, oui, ils le font encore exister dans les suivants. Mais en fait. C'est un petit peu comme la main du Dr. Matt dans Inspector Gadget, c'est-à-dire que Where is Brian? He's in the kitchen. Voilà. C'est à chaque film, ils disent oui, en fait Brian, on va l'appeler. Non, laisse-le tranquille. Oui, il est un peu en retard. Non, il est dans barbecue. La pièce d'à côté, mais il est fatigué là. Voilà. Donc au bout d'un moment, on le sait quand même. Oui. Oh, puis, je crois même qu'il le cite même plus dans le 10. Enfin, il y a quelque chose. Mais on voit, il y a la chaise vide. Si, il est quand même mentionné. Oui. Bah, je trouve ça assez noble de leur part. Et là, on voit que c'est vraiment. Ça part vraiment du fait qu'ils s'apprécient tous et que Paul Walker a vraiment fini par devenir le meilleur ami de Vin Diesel. Donc tout le monde l'a ressenti et je trouve ça beau de pas l'avoir tué et de l'avoir juste laissé. Il est sur la plage avec sa femme et son petit et c'est. Mais sa femme qui elle continue en fait de vivre les aventures. Qui elle continue. Donc effectivement maintenant. C'est vrai que là, on a quand même eu plusieurs films depuis le décès de Paul Walker. Donc là, quand on voit la chaise vide, quand ils font non, mais lui, on va le laisser en dehors de tout ça, alors qu'ils sont en train de ramener tous les personnages de tous les films, c'est un peu bizarre. Mais je trouve que ça a été fait de manière assez propre et venant de films dont on aime se moquer pour plein de raisons. Là, c'était assez joli, je trouvais. Alexandre Caporal. Je suis assez d'accord, mais par contre, faudrait rappeler, c'est assez triste comme constat, mais c'est la réalité, c'est que en fait, la mort de Paul Walker, ça a été un coup marketing énorme en fait pour la saga. C'est-à-dire que avant ça, le 4, le 5, on fait des très bonnes recettes. Hein, on était à plus de 400, 500 millions de recettes de dollars de recettes dans le monde. Là, on passe à un succès à 1 milliard 500 millions. Je l'ai dit avant, ce qui est cataclysmique vraiment. Et ça, c'est dû justement en fait au buzz que qu'a fait la mort de Paul Walker. Ça a créé déjà un buzz médiatique. On en a parlé énormément dans la presse. Et puis je pense que petit à petit, ça a créé cette curiosité malheureusement malsaine en fait de se dire ah, l'acteur est mort en plus pendant le tournage, à la fois comment ils ont fait et comment ils vont lui rendre hommage. Et donc je pense que la curiosité du spectateur a été créée à ce moment-là. Et là, c'est véritablement cet épisode-là où la saga prend un envol hallucinant, où on était sur une saga de blockbuster qui justement commençait gentiment à marcher, mais là, c'est vraiment des cartons mondiaux hallucinants et ça fait d'elle une saga une des sagas les plus lucratives au monde parce que la suite, donc le 8e, aura créé pratiquement le même engouement parce que pareil, ça a dépassé le milliard de recettes de dollars dans le monde. Donc on sent que là ils ont passé un cap en fait avec celui-ci qui fera que aussi à ce moment-là ils continueront à appliquer en fait une forme de recette, effectivement gardant Paul Walker aussi, mais à affiner en fait leur recette pour savoir qu'est-ce que c'est Fast and Furious, et qu'est-ce qui fait que ça marche. Et voilà, ils vont continuer là-dessus. Dans la troisième partie, on va parler aussi de la face obscure de Fast and Furious, qu'on pourrait résumer à un nom, hein, Vin Diesel. Ouais. Mais pour le moment, on va écouter David Walters avec Soul Tropical. Et je dis que tout à l'heure, j'ai parlé de Lucy en Tunes. C'est pas du tout en Tunes, c'est en Tunes. Parce qu'on dit iTunes, oui, mais on dit en Tunes. Par contre, on dit Paris. Donc j'y comprends rien, mais elle s'appelle Lucy en Tunes tout à l'heure. Mais là, c'est David Walters. Donc ils vont me dire, non, en fait, c'est David Valté, mais qui nous interprète Soul Tropical. Ta grosse tête de poney, quand je la regarde, c'est un peu comme si Dieu là-haut, il me projetait du vomi directement dans les yeux. Et ça me brûle, irait-il. Et pas qu'à moitié. Frédéric Sigrist. Yeah, we lost My brother Pablo. Ouais, on a perdu mon frère Pablo quand on tournait le set. Ça a été très difficile de finir ce film. Le studio a été formidable et exceptionnel en nous laissant faire cet hommage très spécial à la fin. C'est drôle parce que des fois, je poste une photo sur Facebook et on parle de Pablo et les gens me disent « il faut passer à autre chose ». Mais les relations qu'on a eues sur cette franchise sont si fortes et la fraternité est tellement vraie que ça transcende l'expérience de simplement faire ces films. Et on a passé 15 ans en passant de parfaits inconnus à des personnalités connues avec un frère. Et puis un jour, il n'est plus là. Ne pas vraiment. Vous croyez pouvoir te tirer sans dire au revoir ? J'ai toujours dit que je vivais 500 mètres par 500 mètres. Et je crois que c'est pour ça qu'on était comme deux frères. Parce que toi aussi. C'est ta caisse. C'est officiel. Vous êtes tous libres. Ça rappelle des souvenirs. Salut Dieu. Merci pour l'invite. On va faire un petit tour. Peu importe où tu es. Que ce soit à 500 mètres ou à l'autre bout du monde. Le plus important, quoi qu'il arrive, reste ce petit groupe d'humains autour de moi, réunis ici. En cet instant, salut mes familles. Salut. Tu seras toujours près de moi. Et tu seras toujours mon frère. Et voilà l'adieu de la famille à Paul Walker. Donc il faut imaginer une salle remplie voilà, de plein de spectateurs différents, tous des gros gaillards comme ça, tous en train d'écraser leurs larmes. Mais voilà, c'est aussi ça Fast and Furious. Et en fait, si j'ai passé cet extrait, c'est parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu du côté ambivalent de Vin Diesel, qui effectivement est très premier degré, très mon frère est parti, c'est la famille, etc. Mais qui a quand même une réputation détestable que l'on connaissait déjà avant même les Fast and Furious, vu que Mathieu Kassovitz nous avait quand même un petit peu parlé du sujet avec le projet Babylon AD, mais qui a poussé sa rivalité avec certains de ses partenaires à un point mais complètement fou, notamment Dwayne Johnson et dernièrement Jason Momoa dans le 10, à qui il attribue les résultats un peu moins bons parce qu'il en aurait fait des caisses et ça aurait nuit au film. Alors que c'est un des seuls points positifs. Exactement. Du film, selon moi. Mais on est deux. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que quelqu'un d'autre essaye de lui faire de l'ombre, Vin le dégage. En fait, c'est vraiment ça, parce que la saga Fast and Furious, Vin, je dis Vin, mais hein, c'est pour faire plus court. Non, pour les intimes. Voilà, Dominique. C'est ça. Voilà. veut vraiment un ego surdimensionné et veut prendre part, veut qu'on parle de lui tout le temps. D'ailleurs, les deux moins bons films où il est dedans sont ceux qui tournent autour de sa personne et qui sont les plus dramatiques. Mais il faut voir aussi que. Le 9 le 4. Oui. Et le 8. Ouais, ouais. Et le 9 aussi. Le 9 est très très sur lui, je l'ai détesté. Ouais, ouais. Ah. Voilà. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui veut tout maîtriser. Mais d'ailleurs, dès le premier, il voulait déjà faire des retouches. Hein. Il était déjà chiant dès le premier film, il voulait déjà faire des retouches, on lui a dit non, arrête. Et c'est aussi pour ça qu'il est parvenu pour le 2 et le 3, enfin voilà. C'est quelqu'un qui gère, et en même temps, l'image de la saga, c'est lui. Donc il a un peu raison sans trop avoir raison. Parce justement, que, je vous voilà. Pose la question à vous tous et toutes. C'est quand même un film qui a attiré Jason Statham, Kurt Russell, Dwayne Johnson, Idris Elba, parce qu'il y a aussi eu le spin-off, le crossover Hobbs & Shaw, Helen Mirren, Brie Larson, Charlize Theron. Au bout d'un moment, comment tu peux, en tant que producteur, faire venir des stars de cet acabit et t'étonner ensuite qu'elles aient brillé dans ton film? Ouais. Moi, je vois pas d'autre raison que les gros sous, hein, pour être vraiment terre à terre. Je vois mal Kurt Russell être fan de Fast and Furious et faire. J'ai vraiment envie de jouer dans Fast and Furious. Pour être très après, surpris. Après, je sais pas, mais. Ouais, on pourrait être surpris. Mais. Je pense que c'est une histoire de carrière aussi, de plan de carrière de certains acteurs ou certaines actrices. Il faut être vu. C'est pour ça que certains acteurs et actrices dont vous avez parlé sont aussi dans les films de Marvel. On pourrait se poser la même question, puisque qualitativement, selon moi, c'est en dessous de Fast and Furious. Et voilà, il y a quelque chose de la visibilité, je pense. Et bien sûr, saga rapporte un max de pognon, donc les cachets des acteurs sont forcément adaptés aussi à ces gros budgets faramineux. Donc il y a un intérêt à la fois de visibilité, et puis Florian l'a dit, de pognon, donc c'est pour ça qu'on arrive en fait à accumuler les grosses stars américaines dans ces films-là. Et malheureusement, ça se passe pas toujours bien avec l'ego de Vin. Et alors, il y a aussi l'éléphant dans la pièce, c'est que Fast and Furious, c'est quand même une saga qui fait l'apologie de la bagnole, des mecs en Marcel, des gros muscles, de la Corona, du barbecue, la religion. Il y a un plan sur des crucifixes toutes les 4 secondes. Dans le dernier, Dante, joué par Jason Momoa, il a tous les codes queer. Au bout d'un moment, je me suis posé la question si Fast and Furious c'était pas le film, la franchise des conservateurs en fait, parce que t'as l'impression que ils vivent pas sur le même monde, la voiture n'est jamais remise en question, et c'est toujours le rapport aux gros muscles. Donc qu'en pensez-vous après? Moi je suis un indécrottable gauchiste aussi, faut le savoir. Oui, après, à défaut de conservateur, j'aurais peut-être juste dit d'américain. Sans vouloir, C'est encore pire que ce que j'ai dit. Mais c'est vrai. Enfin, pour moi, j'associe tout ça à ça, le fait que Vin Diesel s'enorgueillit beaucoup, enfin Dominique Toretto s'enorgueillit beaucoup de ne conduire que des voitures américaines dans ses films. Moi, c'est plus ça que je perçois par rapport à son rapport à la religion et au barbecue, pourquoi pas. C'est plus ça que je vois qu'autre chose. Et on parlait tout à l'heure un peu de progressisme. Je trouve vraiment que la saga s'est améliorée au fil du temps, parce que beaucoup de personnes sont restées sur un peu l'image qu'on avait des premiers films, notamment du 2, qui est très très mini short devant la voiture. Sur la plage. Et puis Eva Mendes est le trophée à gagner dans la course poursuite quand même. Après Eva Mendes, quelle femme, je l'aime tellement. Non, mais plus sérieusement, on sent quand même que ça a évolué, c'est-à-dire qu'on est on a quand même perdu en plan sur les fesses des actrices qui lancent le drapeau pour la course. On a quand même perdu en beaufrit au fur et à mesure. Et c'est vrai que faut dire qu'ils en avaient en rab. Ils en avaient en rab. On est d'accord. Ils partaient de loin, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui, par exemple, n'ont jamais vu Fast and Furious ou qui ont vu peut-être les premiers et qui se sont arrêtés sur cette image, alors qu'il y a eu quand même un effort de fait au fur et à mesure, notamment sur les personnages féminins. Donc il y a quand même il y a quand même du mieux. Je veux pas les blâmer par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des moments où ils sont dit allez, on va faire venir. Alors malheureusement, en 2023, c'est un très mauvais exemple, Gina Carano, mais il y a d'autres des actrices qui font du MMA. Oui, c'était pas forcément le meilleur. Malheureusement, maintenant c'est une mauvaise idée, mais à l'époque on ne savait pas. Il y a eu Ronda Rousey. Donc il y avait quand même ils ont ramené quand même des femmes qui savent se taper aussi. Pour un peu améliorer un peu tout ça, pour que Michelle Rodriguez ait aussi des nanas à taper, qui est quand même... Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Mais oui, mais évidemment. Mais moi, j'ai envie de voir Michelle Rodriguez donner des patates aux gens, donc c'est normal. Nous tous. Mais oui. C'est malheureusement la fin de cette émission. Alexandre Caporal, Florian Pouplein, Vesper, merci d'avoir évoqué Fast and Furious. Et vraiment, quelles que soient les réticences qu'on peut avoir, on passe de très bons moments devant les Fast and Furious. C'est vraiment... C'est un plaisir coupable, il faut le dire. Voilà, exactement. Je tiens aussi à remercier Charles de Cilia qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, à l'aide de nos stagiaires Mathias Bellassène et Céline Grillon, et à la technique aujourd'hui, David Duboué-Black et Jenab Sangaré. Au mixage, vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Reste sous la barre des 9000 tours. Le gosse va claquer ses pistons avant la ligne des 400. Tu sais que je joue pas à ce jeu-là. C'est bien courir ou mourir, non? Si tu pouvais juste courir cette fois. On va parler d'un auteur qui aime les ambiances noires, sombres et humides. Bruno Le Maire. Non, un auteur plein de poils et de cheveux qui se fiche du candidat-on. Frédéric Becbédé. acteur souvent méprisé pour ses prises de parole. Alors ça c'est facile, J.K. Rowling. Putain non, Alan Moore. Demain, on parle d'Alan.